Les troupiers américains et les forces d'autodéfense japonaises ont livré le 28 avril les manœuvres militaires conjointes aériennes visant notre République. Les avions de combat décollés du porte-avions nucléaire américain Carl Vinson ont livré les exercices de combat aérien avec les avions de combat des forces d'autodéfense aérienne japonaises dans l'espace aérien de l'Est d'Okinawa. Y ont été mobilisées la flottille de frappe du porte-avions nucléaire américain Carl Vinson et les forces d'autodéfense aérienne et navale japonaises comme les avions de combat et les destroyers. Les forces d'agression américaines livrent depuis le 23 courant le simulacre de guerre d'agression contre notre République de connivence avec les forces d'autodéfense japonaises.